Dimanche, le 1er mai, c'est la Grande Marche pour la forêt. Ici Jean-Pierre Boivin, président d'Alliance Forêt Boréale. Je vous invite à vous joindre aux élus municipaux et aux travailleurs de la forêt pour affirmer votre appui à l'exploitation durable de notre ressource forestière, créatrice de richesses chez nous. Soyez au rendez-vous à 11h à l'Hôtel de Ville de Saint-Félicien. La foresterie, c'est aussi une solution au changement climatique. Instructeur-chef, Yannick Jean était de passage sur les ondes de CKJ pour parler de la belle victoire des Saguenay 3-2 en deuxième période de prolongation contre les Sea Dogs de Saint-John. Donc, on écoute l'entrevue qu'il a réalisée sur les ondes de CKJ à l'émission Dans le vestiaire avec Michel Thibault. Il est 16h08. L'entraîneur-chef des Bleus, l'entraîneur-chef des Sags, Yannick Jean, est avec nous dans le vestiaire. Bonjour Yannick! Salut! Vous faites vivre des moments palpitants à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu dois être heureux de ce qui se passe actuellement, Yannick, comme entraîneur-chef et directeur général. Oui, définitivement. Je pense que les gens se sont réappropriés leur équipe. Les gens sont crinqués, viennent, ils nous encouragent, puis... C'est le fun de voir ça là, en ce moment. Dans la partie de vendredi, vous avez perdu 4-1 sans Joey Ratel. Vincent Lapalme qui est sorti du match un peu plus tard. Tes joueurs se sont donnés corps et âme. Est-ce que tu ressentais de la fatigue résultat de la série contre les Huskies? La fatigue mentale. Beaucoup. Fatigue mentale, oui. Ouais, l'émotion qui est montée tellement haute. C'est difficile là, de ramener ça à zéro là, pour recommencer l'autre série. C'est vraiment de la manière que ça s'est passé là, à Rouyn-Noranda qui fait en sorte que mentalement là, c'était plus difficile. Je pense que samedi, c'était beaucoup mieux. L'émotion était redevenue à zéro. On savait qu'il fallait être meilleur. Puis je pense que ça a été beaucoup mieux. Samedi, vous avez comblé un déficit de 0-2 pour une autre remontée spectaculaire. À quoi attribuer ce revirement de samedi? Ben, il y a une chose, on a pratiqué extrêmement fort tout l'hiver. La forme physique de nos joueurs est optimale. Alors, on l'a vu depuis le début des séries éliminatoires, on est 6 victoires, 0 défaite lorsqu'on joue un deuxième match en deux jours. Je pense que ça, c'est des choses positives. Les joueurs ont travaillé fort dans les entraînements tout l'hiver. Ça fait en sorte justement là, qu'ils ont plus de gaz là, pendant trois périodes, là, même sur les matchs consécutifs. Tu parles de la forme exceptionnelle de tes joueurs, Yannick. À quel genre d'entraînement hors glace tes joueurs se sont-ils soumis tout au cours de l'hiver? Ben, je te dirais, c'est toujours la même horaire. Lundi, musculation. Mardi, des jambes. Le mardi, le haut du corps. Le mercredi, circuit, là, fitness, là, les crossfit, excuse. Jeudi, plus aérobique. Puis on joue les fins de semaine. Puis même à travers ça, lorsqu'on a eu des matchs sur semaine, on a essayé d'être rigoureux. On savait que peut-être là, que de temps en temps, lors d'un calendrier de 68-70 matchs, on aurait peut-être plus de difficultés, moins de gaz là, pour un certain match donné, mais on savait que ça paierait à long terme. Puis je pense qu'on en a la preuve vivante depuis le début des séries. Samedi, vous avez démontré une discipline exemplaire, Yannick. Vous n'avez jamais ouvert la porte au Sea Dog en supériorité numérique. Tu dois être fier que tes joueurs acceptent leur coup et surtout soient très disciplinés. Oui, définitivement. On a besoin de ça. Quand tu veux gagner une série éliminatoire, on l'a fait. On l'a bien fait là, lors de ce match-là. Puis, si on est une équipe disciplinée, on l'est toute l'année. C'est sûr que de temps en temps, il y a des matchs où est-ce que ça va moins bien de ce côté-là, mais c'est pas une habitude. Tu sais, habituellement, on est une équipe disciplinée. Les Sea Dogs sont l'équipe qui ont eu le plus de désavantages numériques durant la saison régulière. Donc, faut profiter de ça. Faut jouer avec nos forces. Faut nous être efficaces, rester à l'intérieur de ce qu'on fait bien. Puis ça en est une phase où est-ce qu'on peut être content. Actuellement, vous déjouez les prédictions des experts. Il y en a qui vous pensaient perdu contre les Huskies, et puis il y en a même qui pensaient que ce serait pas très long contre les Huskies. Vous revenez à Chicoutimi avec une égalité de 1-1, et samedi, j'écoutais la partie, à un moment donné, vous étiez 14-0 dans les lancers en deuxième période. Tabarouette, qu'est-ce que vous avez mangé, Sags, samedi, pour dominer comme ça? Ben, tu sais... C'est un peu des facteurs d'un peu n'importe quoi, là, mais comme on parlait tantôt de la forme physique, ça a un impact. Il y a plein de chiens, il y a plein de choses. On avait mis des choses là sur le tableau au début de la série. On l'a bien fait là dans ce match-là. Peut-être qu'on a peut-être eu un léger laisser-aller également, mais on est définitivement content de la manière que ça a tourné. Tu as bien géré le temps de glace de Billy après sa blessure. Là, il se comporte comme un bon joueur de 20 ans. Il a réussi des arrêts magistrales. En tout cas, à entendre les commentaires à la radio, Billy était vraiment très, très, très bon. C'est un gars qui peut vous aider à avancer encore. Ben, c'est un joueur de 20 ans. Il faut que nos joueurs de 20 ans tirent le bateau. C'est des joueurs qui doivent être les leaders à l'intérieur d'une équipe, puis Billy fait partie de ça. Je te dirais, en prolongation, il a fait des arrêts incroyables pendant la première période de prolongation. Là, je dirais que durant les trois périodes, probablement qu'on a eu plus de chances de marquer qu'eux, mais en première prolongation, on a peut-être donné le 10 à 11 chances de marquer, puis Billy a été tout simplement incroyable. Ça n'est un des joueurs qui un leader de notre groupe, puis qu'il faut qu'il prenne les choses en main, puis il l'a bien fait. Depuis la deuxième période à Saint John, Yannick, on sent que les Sags ont le momentum. Comment allez-vous faire pour transporter cette énergie positive devant vos partisans demain et mercredi? La première des choses, c'est garder le focus. Il faut pas qu'on s'en fasse avec ça, qu'on change quoi que ce soit. Il faut que, même en revenant à la maison, qu'on laisse la foule nous transporter et non que la foule nous dérange. Ensuite de ça, bon, ben, il faut jouer, hein. Il n'y a pas de secret. Il faut que tu gagnes tes bagarres à un contre un dans les séries éliminatoires pour être efficace. Puis il faut garder le match là, le plus simple possible. Est-ce qu'il y a un joueur chez les Sea Dogs qui vous a causé un petit peu plus de soucis que les autres? J'écoutais là, que Chabot, il est quasiment tout le temps sur la glace. Est-ce que c'est lui votre plus gros casse-tête? Moi, ils n'ont pas juste lui, hein. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Faut que tu aies la tête continuellement là, sur un tourniquet quand tu es sur la glace parce que. Faut que tu saches où est-ce qu'ils sont. Ils bougent bien la rondelle, ils patinent bien. Mais oui, Chabot, là, Chabot, au dernier championnat du monde, était élu le meilleur défenseur junior au monde. Fait que c'est sûr que c'est un bon joueur de hockey, puis il voit énormément de glace également, mais ils n'ont pas juste lui, ils en ont d'autres également. Yannick, on continue de faire rêver les partisans et toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonne chance pour les parties à domicile mardi et mercredi, et on se reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup.